Chapitre 2e. Tout le monde connaît le jardin de l'Élysée, ce petit parc ravissant, planté des plus beaux arbres du monde, et dont les frais gazons sont arrosés par une rivière anglaise. Une allée en terrasse, qu'abrite désormais séculaire, borne ce parc du côté de l'avenue de Marigny. Une allée semblable, en parallèle, le limite du côté opposé. Un mur très bas le sépare des jardins voisins. Cette dernière allée dont nous parlons aboutissait à peu de distance de la fenêtre du salon où se tenait alors M. Pascal. Bientôt son attention fut, pour plusieurs motifs, vivement éveillée. Le jeune homme qui avait traversé le salon des secrétaires et des gentilshommes, et par sa timidité avait été l'objet de plusieurs remarques, se promenait alors lentement dans l'allée ombreuse. Il était d'une taille élégante et svelte. De temps à autre, il s'arrêtait, baissait la tête, restait un moment immobile, puis il recommençait sa promenade. Lorsqu'il eut atteint l'extrémité de l'allée, il s'approcha presque furtivement du mur limitrophe du jardin voisin, et comme à cet endroit ce mur n'avait guère plus de 4 pieds de haut, il s'y appuya et parut absorbé soit dans la réflexion, soit dans l'attente. Jusqu'alors, ce promeneur avait tourné le dos à M. Pascal, qui se demandait avec curiosité ce que pouvait regarder ou attendre ce personnage, dont il n'avait encore pu distinguer les traits. Mais lorsque, n'ayant pas sans doute vu ce qu'il semblait chercher du regard, le jeune homme se retourna et revint sur ses pas, il fit ainsi face à M. Pascal. Le comte Franz de Neuberg, nous l'avons dit, passait pour être le filleul de l'archiduc dont il était tendrement aimé. Selon les bruits de cour, son Altesse royale, n'ayant pas eu d'enfant depuis son mariage avec une princesse de Saxe-Teschen, ne manquait pas de raison pour traiter paternellement Franz de Neuberg, fruit secret d'un premier et mystérieux amour. Franz, âgé de 20 ans à peine à l'époque de ce récit, offrait le type accompli de la beauté mélancolique du Nord. Ses longs cheveux blonds, séparés au milieu de son front candide et blanc comme celui d'une fille, encadraient un visage d'une régularité parfaite. Dans ses grands yeux, d'un bleu céleste, au regard doux et rêveur, semblait se réfléchir la pureté de son âme. Une barbe naissante, estompant de son duvet soyeux et doré son menton et sa lèvre supérieure, accentuait virilement cette charmante figure. À mesure qu'il s'avançait dans l'allée, Franz attirait de plus en plus l'attention de M. Pascal, qui le contemplait avec une sorte de surprise admirative, car il était difficile de ne pas remarquer la rare perfection des traits de Franz. Lorsqu'il fut à peu de distance de la fenêtre, il rencontra le regard fixe et obstiné de M. Pascal, parut non moins embarrassé que contrarié, rougit, baissa les yeux, et se retournant brusquement, continua sa promenade, attempe le pas jusque vers le milieu de l'allée. Là, il recommença de marcher lentement, et sans doute gêné par la pensée qu'un étranger observait tous ses mouvements. À peine osa-t-il d'abord se rapprocher des limites du jardin voisin, mais soudain, oubliant toute préoccupation, il courut vers le mur à la vue d'un petit chapeau de paille qui apparut de l'autre côté de la muraille et qui encadrait dans sa passe doublée de soie rose le plus frais, le plus délicieux visage de 15 ans que l'on puisse rêver. « Mademoiselle Antonine, » dit Franz vivement et à voix basse, « on nous regarde. »« À ce soir, » murmura une voix douce. Et le petit chapeau de paille disparut comme par enchantement, la jeune fille ayant sans doute prestement sauté d'un banc sur lequel elle avait dû monter de l'autre côté du mur. Mais, comme compensation sans doute à cette brusque retraite, une belle rose tomba aux pieds de Franz, qui, la ramassant aussitôt, ne put s'empêcher de la porter ardemment à ses lèvres. Puis, cachant la fleur dans son gilet, le jeune homme disparut au milieu d'un massif, au lieu de continuer sa promenade dans la longue allée. Malgré la rapidité de cette scène, malgré la disparition instantanée du petit chapeau de paille, M. Pascal avait parfaitement distingué les traits enchanteurs de la jeune fille et vu Franz baiser passionnément la rose tombée à ses pieds. Les traits durs et sardoniques de M. Pascal devinrent alors étrangement sombres. on y lisait un courroux violent mêlé de jalousie, de douleur et de haine. Pendant quelques instants, sa physionomie, devenue presque effrayante, trahit l'homme qui, habitué à voir tout plié devant soi, est capable de sentiments et d'actions d'une méchanceté diabolique lorsque l'obstacle imprévu vient contrarier sa volonté de faire. Elle, elle, dans ce jardin voisin de l'Élysée, se disait-il avec une rage concentrée, qui venait-elle faire? Triple sot que je suis, elle venait coqueter avec ce fluet blond jouvenceau. Peut-être habite-t-elle l'hôtel mitoyen. Misère de Dieu, apprendre et apprendre de la sorte où elle demeure, après avoir en vain tout fait pour le découvrir depuis que ce damné minois de 15 ans m'a pris par les yeux et m'a rendu fou. Moi qui me croyais mort à ces caprices subis et frénétiques, auprès desquels ce qu'on appelle les plus violentes passions de cœur sont de la glace. Car pour avoir rencontré 3 fois cette petite fille, je me sens comme en mes plus beaux jours capable de tout pour la posséder, à cette heure surtout que la jalousie m'irrite et me dévore. Misère de Dieu, c'est niais, c'est stupide, mais je souffre. » Et en disant ces mots, la figure de M. Pascal exprima en effet une douleur haineuse et farouche. Puis, tendant son poing du côté où avait paru le petit chapeau de paille, il murmura avec un accent de rage concentrée, « Tu me le payeras, va, petite fille, et quoi qu'il puisse m'en coûter, tu m'appartiendras. » Et accoudé à la balustrade, ne pouvant détacher ses regards irrités de l'endroit où il avait vu Franz s'échanger un mot avec la jeune fille, M. Pascal était encore plongé dans cette sombre contemplation lorsqu'une des portes du salon s'ouvrit doucement et l'archiduc entra. Le prince croyait si évidemment se trouver face à face avec le personnage dont il se savait attendu que d'avance il avait donné à ses traits, ordinairement d'une hauteur glaciale, l'expression la plus avenante possible. Aussi entra-t-il dans le salon le sourire aux lèvres. Mais M. Pascal, à demi penché hors de la fenêtre, n'avait pas entendu ouvrir la porte, et ne se doutant pas de la présence du prince, continua de lui tourner le dos en restant accoudé sur l'appui de la croisée. Un physionomiste, témoin de cette scène muette, aurait pu curieusement étudier la réaction des sentiments du prince sur son visage. À l'aspect de M. Pascal, penché à la fenêtre, vêtu de son paletot d'été et gardant incongrûment son chapeau sur sa tête, l'archiduc s'arrêta court. Son sourire emprunté s'effaça de ses lèvres et, se cambrant sur ses hanches plus fièrement encore que de coutume, il se roidit dans son grand uniforme, devint pourpre de colère, fronça les sourcils et ses yeux lancèrent un éclair d'indignation courroucée. Mais bientôt, la réflexion venant sans doute apaiser cet orage intérieur, les traits du prince prirent soudain une expression de résignation amère, douloureuse, et il baissa la tête comme s'il eût fléchi sous le poids d'une nécessité fatale. Étouffant alors un soupir de fierté révoltée, tout en jetant un regard de vindicatif mépris sur M. Pascal, toujours penché à la fenêtre, le prince reprit, si cela se peut dire, son sourire affable là où il l'avait laissé, s'avança vers la croisée en toussant assez fort afin d'annoncer sa présence et de s'épargner la dernière humiliation de toucher l'épaule de notre familier personnage pour attirer son attention. Au sonore de l'Altesse royale, M. Pascal se retourna subitement. À la sombre expression de ses traits succéda une sorte de satisfaction cruelle et sardonique, comme si l'occasion lui eût amené une victime sur laquelle il pourrait se venger de ses tourments et de ses colères contenues. M. Pascal s'avança donc vers le prince, le salua d'un air dégagé, en tenant son chapeau d'une main et plongeant l'autre dans son gousset. « 1000 pardons, monseigneur, je ne savais vraiment pas que vous fussiez là. »« J'en suis persuadé, monsieur Pascal. » répondit le prince avec une hauteur difficilement déguisée. Puis il ajouta, « Veuillez me suivre dans mon cabinet, monsieur. J'ai quelques pièces officielles à vous communiquer. » Et il se dirigeait vers son cabinet lorsque M. Pascal lui dit avec un calme apparent, car cet homme avait, lorsqu'il le fallait, un rare empire sur lui-même, « Monseigneur, Me permettez-vous une question ? Parlez, monsieur, répondit le prince en s'arrêtant et se retournant assez surpris. Monseigneur, qu'est-ce donc qu'un jeune homme d'une vingtaine d'années tout au plus, portant de longs cheveux blonds, que je viens de voir se promener dans cette allée que l'on aperçoit de cette fenêtre ? Tenez, monseigneur. Vous voulez sans doute parler, monsieur, du comte Franz de Neuberg, mon filleul. Ah, ce jeune homme est votre filleul, monseigneur. Je vous en fais mon sincère compliment. On ne peut voir un plus joli garçon, n'est-ce pas ? Reprit le prince, sensible à cet éloge, même dans la bouche de monsieur Pascal. Il a une charmante figure. C'est ce que tout à l'heure je remarquais à loisir, monseigneur. Et le comte Franz a mieux qu'une charmante figure, ajouta le prince. Il a de rares qualités de cœur et une grande bravoure. Je suis enchanté, monseigneur, de vous savoir un filleul si accompli. Et il y a longtemps qu'il est à Paris. Il y est arrivé avec moi. Et il repartira sans doute avec vous, monseigneur, car il doit vous être pénible de vous séparer d'un si aimable jeune homme. En effet, monsieur, j'espère bien emmener le comte Franz avec moi en Allemagne. Mille pardons, monseigneur, de mon indiscrète curiosité, mais votre filleul est une de ces personnes auxquelles on s'intéresse malgré soi. Maintenant, je suis tout à vous. Veuillez donc me suivre, monsieur. Pascal fit un signe de tête d'assentiment, et marchant parallèlement à l'archiduc, il arriva avec lui jusqu'à la porte de son cabinet. Là, s'arrêtant avec un geste de déférence qui n'était qu'une impertinence de plus, il s'inclina légèrement et dit au prince, comme si celui-ci avait hésité à passer le premier, « Après vous, monseigneur, après vous !» Le prince sentit l'insolence, la dévora, et entra dans son cabinet en faisant signe à M. Pascal de le suivre. Celui-ci, quoique peu habitué au cérémonial des cours, avait trop d'esprit, trop de pénétration pour ne pas sentir la portée de ses actes et de ses paroles. Non seulement il avait conscience de son insolence, qui exaspérait encore des ressentiments récents et contenus, mais cette insolence, il la calculait, il l'étudiait, et dans cette circonstance même, il avait, à part soi, agité la question de savoir s'il n'appellerait pas tout simplement l'Altesse royale « Monsieur ». Mais par un raffinement d'intelligente impertinence, il pensa que l'appellation cérémonieuse de Monseigneur rendrait ses familiarités plus blessantes encore pour le prince en contrastant avec une apparence d'étiquette. Nous reviendrons d'ailleurs sur l'expression du caractère de M. Pascal, caractère moins excentrique qu'il ne le paraîtra peut-être tout d'abord. Disons seulement que pendant 10 années de sa vie, cet homme, né dans une position humble, précaire, et d'abord homme de peine, avait subi et dévoré les humiliations les plus dures, les dominations les plus insolentes, les dédains les plus outrageants. Ainsi, de haineuses et implacables rancunes s'étaient amassées dans son âme, et le jour venu où il fut puissant à son tour, il s'adonna sans scrupule, sans remords, à la féroce volupté des représailles, peu soucieux de se venger sur des innocents. L'archiduc, à défaut d'un esprit supérieur, possédait une longue pratique des hommes, acquise par l'exercice d'un emploi suprême dans la hiérarchie militaire de son pays. Aussi, à sa seconde entrevue avec M. Pascal, entrevue à laquelle nous assistons, il avait compris la portée de l'insolence étudiée de ce personnage, et lorsqu'en entrant avec lui dans son cabinet, il le vit, presque sans attendre l'invitation, familièrement s'asseoir dans le fauteuil occupé un instant auparavant par un premier ministre, qu'il avait trouvé rempli de déférence et de respect, le prince éprouva un nouveau et cruel serrement de cœur. Le regard pénétrant de M. Pascal surprit cette impression sur le front de l'archiduc et il se dit avec un triomphant dédain « Voilà un prince né sur les marges d'un trône, un cousin pour le moins de tous les rois d'Europe, un généralissime d'une armée de 100 000 soldats. Le voilà dans tout l'éclat de son uniforme de bataille, paré de tous ses insignes d'honneur et de guerre. Cette Altesse, cet homme, me méprise dans son orgueil de race souveraine. Il me hait parce qu'il a besoin de moi, et qu'il sait bien qu'il faut qu'il s'abaisse. Et pourtant, cet homme, malgré son mépris, malgré sa haine, je le tiens en ma puissance, et je vais lui faire rudement sentir, car aujourd'hui j'ai le cœur noyé de fiel.